Cartoneros. Cartoneros. Cartoneros. La vie ne vaut rien à Bogota. Au petit matin, la ville se lève. Les mômes dévorés par les chiens. Au petit matin, dans une poubelle, tu crois reconnaître le tien. Cartoneros. Cartoneros. Cartoneros. La vie ne vaut rien à Bogota. Sur les trottoirs de Bogota, considérés comme des ordures, les enfants volent un peu de soleil et ils l'enferment dans leurs chaussures. Cartoneros. Cartoneros. Cartoneros. La vie ne vaut rien à Bogota. Se brise sur la vitrine. Cartoneros. Cartoneros. Cartoneros. La vie ne vaut rien à Bogota. Sur les trottoirs de Bogota, les flics en ont après les gosses. Dans la banlieue de Bogota, on tira vue sur les gavroches. Cartoneros. Cartoneros. Cartoneros. La vie ne vaut rien à Bogota. Cartoneros. La vie ne vaut rien à Bogota. Cartoneros. La vie ne vaut rien à Bogota. Cartoneros.